douce matos, tu sais que je redoute ce jour où tu songeras à mettre sur ma touche les plumes que j'ai laissées sur le chemin bloque la route. Ma douceur, écoute jusqu'au bout. Tu m'as dérobé une partie de moi. Tu m'as dérobé une partie de ma moi. Ma douce, tu sais que je redoute ce jour où tu songeras à mettre sur la touche les plumes que j'ai laissées sur le chemin bloque la route. Ma douceur, écoute jusqu'au bout. I'm sorry, ma jolie hobby, dis-moi c'est toi ça va. L'euphorie, mi manca, mamma, l'aria, la libertà. I'm sorry, ma jolie hobby, dis-moi c'est toi ça va. L'euphorie, mi manca, mamma, l'aria, la libertà. L'abbin cura, c'est il homa, Kimbabé, Kimbabé. De Gormando, Maradona, Opele, Opele. Il mio nome sarà una leggenda, lo dicevo sempre a banca, lo dicevo mamma tu. Che dei soldi a me non mi interessa, non li porto mica in tomba, non li porto mica su. Non ne posso più, mi schiero, cado au déjà vu. Ma douce, tu sais que je redoute ce jour où tu songeras à mettre sur la touche les plumes que j'ai laissées sur le chemin bloque la route. Ma douceur, écoute jusqu'au bout. L'emporte sur ton amour pour les sous. J'ai vu ton manège, alors c'est comme ça que tu la joues. Tu captes l'attention comme une gifle sur la joue. Ma douceur, je te suis jusqu'au trou. Tu m'as dérobé une partie de moi. Tu m'as dérobé une partie de ma moi. Ma douce, tu sais que je redoute ce jour où tu songeras à mettre sur la touche les plumes que j'ai laissées sur le chemin bloque la route. Ma douceur, écoute jusqu'au bout.